Muka tu, muka chase it. Tant de fois tu m'as attrapé bébé. Tant de fois je t'ai fait pleurer bébé. Mais quand je t'imagine t'éloigner de moi, je panique, pourquoi je fais ça? Tu m'es pourtant si précieuse, oh. Si tu me dis que tu m'aimes, je te veux près de moi. On se prend trop la tête, c'est à cause de moi. Oh my baby, oh non, non, non, tango. Oh my baby, oh. De moi, se prend toi la tête, c'est à cause de moi. Oh my baby, oh don don don, don go. Oh my baby, oh don don don, don go go go. Peripe, peripe, peripe, peripe, peripe, peripe, peripe, peripe, don go go go go go go. Peripe, peripe. Depuis que t'es à mes côtés, je ne suis plus le même, yo, oh. Demande à tous mes taras, tu fais de moi un homme, yo, oh, oh, ah. Je suis un imbécile, je fais mal à ma queen. Pourtant, elle est tout ce que je veux, oh lord, je ne peux rêver mieux. Si tu me dis que tu m'aimes, je te veux près de moi. Se prend trop la tête, c'est à cause de moi. Oh my baby, oh don, don, don. Don't go, my baby, oh, don, don, don, don't go. Si tu me dis que tu m'aimes, je te veux près de moi. On se prend trop la tête, tout ça à cause de moi. Oh, my baby, oh, don, don, don, don't go. Je ne suis plus le même, yo, oh. Demande à tous mes taras, tu fais de moi un homme, yo, oh, oh, ah. Je suis un imbécile, je fais mal à ma queen. Pourtant, elle est tout ce que je veux, oh lord, je ne peux rêver mieux.